Pierre H. 1957-1997. Le temps me rattrape. Le récit s'amenuise jusqu'à sa fermeture finale. J'ai pris l'habitude de ma propre voix, grave comme un chant dans la nuit. Je ne sais qui m'entend, mais cela importe bien moins qu'on pourrait le croire. On peut chanter pour soi-même, dans les ténèbres, juste pour faire du bruit, ou plutôt de l'harmonie, là où le silence a pris possession des choses. Je n'ai pas envie de me taire, et pourtant, c'est tout ce qui me restera à faire, lorsque j'aurai fini de dérouler les chevaux des douleurs, et je sais que je le ferai. Le temps nous rattrape tous. Les trois années qui suivirent, les trois dernières années, furent étrangement mitigées. On eût dit qu'une angoisse indélébile avait imprégné l'étoffe même de la vie des H. Audrey ne fut vraiment capable d'une vie normale qu'au bout d'un an environ, et puis, dans un élan de vie à la fois poignant et inquiétant, elle voulut un autre enfant. Elle tomba enceinte, elle fut de nouveau rayonnante et paisible, mais son entourage, secrètement, l'épiait. On entoura son accouchement des plus grands soins, on cacha des soupirs de soulagement étonnés lorsqu'elle réussit à allaiter sa petite fille. On n'avait pas oublié la leçon de la dernière rechute, et on attendait, simplement, que cela recommence, comme on profite des derniers jours de beau temps à la fin du mois d'octobre. Ni M. H., ni Mme H., ni le compagnon d'Audrey ne lui faisaient plus confiance. Il l'accompagnait du mieux qu'il pouvait, mais quelque chose planait, une ombre, une épée suspendue, qui faussait imperceptiblement tout ce que vivait Audrey. Elle continuait à se battre, mais au fond, plus personne n'y croyait. On s'était accoutumé à l'idée d'une maladie incurable. Mme H. l'avait compris beaucoup plus tôt que les autres. Ça ne se soigne pas ce qu'elle a. Ça vous empoisonne toute une vie et ça vous tue. De nous tous, moi compris, je pense que c'est la seule qui eut, de longtemps, anticipé son suicide. En est-elle plus responsable pour autant? Je ne le crois plus. Elle avait simplement les yeux plus perçants. Et cela eût dû être moi. Tant de gens vivent ainsi. Leurs proches ne croient plus en eux, parce que la lucidité finit souvent par prendre le pas sur l'amour. Ils sont les seuls à ignorer qu'ils ont un cancer en phase terminale. Ou bien laisse-la croire à leur énième projet professionnel, à leur énième couple raté, à leur énième cure de désintoxication. Ils sont dans une spirale d'échec ou de mort, et leur vie entière devient un mensonge, parce que personne n'est assez cruel pour dessiller leurs yeux aveugles. Ils sont d'éternels enfants malades, que l'on protège de la réalité par un consensus navré et passif. Mais qu'aurais-je dû faire ou dire? Pouvais-je déconseiller à Audrey de vivre et lui dire de mourir tout de suite? Elle s'accrocha avec une forme d'héroïsme toute particulière. Elle prépara pour Sacha des fêtes d'anniversaire féeriques. Elle vêtit sa petite fille comme une princesse de conte. Elle leur chanta des chansons, leur lut des livres, leur apprit des comptines. Elle fut une vraie mère, joyeuse et ferme à la fois. Son compagnon, par un effet de cette méfiance en l'avenir que je viens d'évoquer, ne renonça cependant jamais tout à fait au rôle maternel que le destin lui avait fait endosser pour son fils. Combien de temps cela pouvait-il durer? La fin pouvait-elle être différente? Audrey est-elle morte par nécessité ou par hasard? Ou bien par cette troublante et obsédante conjonction des deux à laquelle mon métier m'a habitué? L'événement tragique qui survint tenait à la fois de l'accident et du dénouement inévitable. Je ne sais comment exprimer plus clairement cette idée, si fondamentale en psychanalyse, que le hasard ne donne que des formes particulières à ce qui existe déjà à l'état latent, sous forme de désir. Le désir de mort se nourrit d'un événement contingent et grandit jusqu'à éclater dans le passage à l'acte. Mais l'événement ne fait que déclencher un mécanisme latent. La mine est déjà là, portant son ventre la destruction avant qu'un objet quelconque ne l'active. Audrey, comme son frère, était tout de miné. Pierre s'était pris d'une passion dévorante pour la plongée sous-marine depuis la mort de sa femme. Il plongeait régulièrement dans la Manche, même par des températures glaciales, parfois de nuit. Il passa tous les brevets en un temps très court et devint rapidement un amateur très éclairé. Il s'animait parfois en parlant de profondimètre ou de mélange gazeux. Il possédait un matériel impressionnant que je pus admirer un jour dans sa chambre de la Pommeraye. Je remarquai, dès qu'on m'en parla, la profonde affinité de ce sport avec lui. Le monde du silence, comme disait Cousteau, lui convenait si bien qu'il ne souhaitait plus s'en éloigner. Ses plongées étaient devenues de plus en plus fréquentes, de plus en plus profondes, de plus en plus longues. La plongée était probablement l'aboutissement, le point de convergence, d'un faisceau de désir en lui. Il respirait dans l'eau où sa sœur s'était noyée. Il plongeait en sa mère. Il était séparé des êtres vivants qui l'entouraient par un masque. Il avait la bouche empêchée de parler. Il était libre et léger dans ce liquide amniotique et absolument seul. Il côtoyait cette mort qui le hantait depuis l'enfance. Il pouvait reposer là, en paix. Pierre un jour partit plonger seul et ne remonta pas. On ne trouva pas de note de suicide, mais on nota qu'il n'avait pas emmené son portefeuille et s'était débarrassé de son alliance, ce qui semblait inhabituel. Le canot qu'il avait utilisé était toujours à l'ancre, mais pouvait avoir dérivé. Il ne contenait quasiment plus d'essence. Des hélicoptères survolèrent la zone pendant plusieurs jours. La gendarmerie étudia les courants, fouilla les plages, le pied des falaises, mais son corps ne fut jamais retrouvé. « Je ne connais pas grand-chose de plus déstabilisant qu'une disparition. » Pierre était absent, violemment absent, de sa maison, de son bateau, de sa famille. Il était aussi absent qu'un mort, et c'était la même douleur pour ses proches de voir sa chaise vide à table, et de croire reconnaître son pas dans l'escalier ou le bruit de sa voiture dans l'allée. Mais il n'était peut-être pas mort. Il y avait un doute, minuscule, comme une tache d'encre sur une surface blanche à laquelle on pouvait donner toutes les formes. Il était peut-être parti, comme le font certaines personnes, sans avertir personne, en changeant d'identité pour disparaître. Il était peut-être quelque part hors d'atteinte, attendant des secours. Il était peut-être en train de mourir, et non déjà mort. Et ce doute insidieux remuait des torrents, des déferlantes émotionnelles, bien plus insoutenables encore que celles du deuil. C'était le deuil, dans toute son horrible difficulté, plus autre chose. Une angoisse sourde, mais permanente, qui vous prenait au réveil et ne vous quittait plus, changeant d'objet sans cesse. Monsieur H. fit jouer toutes ses relations et déploya une énergie singulière pour rechercher le corps. Il désirait, éperdument, trouver le cadavre de son fils, comme s'il savait que sans corps il ne pouvait y avoir de deuil, mais seulement un modus vivendi infernal avec la mort, toujours plus probable, mais jamais certaine. Il y a une certaine paix autour d'un cercueil. Le visage figé ne souffre plus. Il n'y a plus rien à faire, c'est la paix de la défaite peut-être, mais une paix malgré tout, parce qu'on a rendu les armes. Autour du vide de Pierre, il n'y avait que des interrogations et des alarmes, un état de siège permanent. Il pouvait avoir besoin de quelque chose, quelque part, en ce moment. Il pouvait revenir, soudain, alors qu'on avait commencé à vivre sans lui. Il était plus probablement mort au fond de l'eau noire, anonyme et méconnaissable. La gendarmerie le déclara mort au bout de 12 jours. Les haches organisèrent une cérémonie en bord de mer avec des gerbes de fleurs qu'on jeta à l'eau. C'était il y a 3 semaines. Audrey, à la cérémonie, méconnaissable elle aussi, est noyée. Son visage bourrelé et livide. Elle ne pouvait pas marcher, ses jambes se dérobaient sous elle. Elle essaya de faire quelques pas pour jeter une couronne à la mer, mais elle perdit l'équilibre 2 fois. Et son compagnon, qui la soutenait avec peine tant elle paraissait lourde, lui cacha les yeux et la berça jusqu'à la fin de la cérémonie. Margot, qui n'avait que 7 ans et qui ne comprenait pas encore pleinement ce qui lui arrivait, s'agitait. Madame H., à côté d'elle, sa main gantée toujours prête à la calmer et peut-être à la protéger, était très droite, très blanche et paraissait très vieille. Monsieur H. orchestrait la cérémonie, des tics nerveux crispant ses lèvres et ses paupières, comme s'il ne parvenait pas à pleurer. On se tournait instinctivement vers la mer, malgré les embruns. On écoutait à peine le prêtre, les collègues de travail, les camarades de plongée, dont les paroles vides se perdaient dans le vent. On parlait d'un accident tragique, d'une jeunesse fauchée par la fatalité. On disait que Pierre aimait la vie. Moi, je me demandais ce qui se passe dans la tête d'un homme qui plonge, qui descend toujours plus bas, qui dépasse très doucement, très progressivement, le seuil d'oxygène et de profondeur au-delà duquel il ne pourra pas remonter. J'essayais d'imaginer cet ultime voyage, dans l'eau silencieuse et la danse assourdie des poissons éclairés par le faisceau de la lampe. L'ivresse des profondeurs et celle du départ, le monde du silence qui vous engloutit dans sa suprême lenteur, dans sa paix infinie, dans son immense bleu.